La rousse. Une rousse aux yeux verts fendus devant moi s'est étendue, offrant tous les fruits défendus de son superbe corps mis à nu. De longs cheveux sur ses épaules en avalanche, un ventre rond de chair si blanche, un nombril en cœur de nénuphar, un sexe rouge illuminé comme un phare. Ses seins d'ambre au bout carmin tiennent tout juste dans ma main. Et elle m'ouvre ses cuisses, découvrant son buisson d'un roux ardent, brasier de flammes où converge le tendre roc de ma verge.